D'après la Genèse et les livres religieux mensongers, Abraham est notre patriarche à tous. C'est aussi faux que dire que le RSA est vital chez les partouches. Ce soi-disant patriarche est uni avec Sarah, sa femme et sa sœur en même temps. Durant d'interminables années, leur union est stérile. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Après moult tentatives qui se soldent à chaque fois par un échec, Sarah interpelle Abraham sur l'obligation de procréer avant les obsèques. Sarah est stérile. Elle se lance alors dans une idée salvatrice, mais quelque peu infâme. Sarah offre Agar, sa servante préférée, à son époux comme réceptacle de la semence de ce dernier, afin d'avoir droit à une descendance, comme toutes les femmes. Agar est égyptienne, plus qu'une simple beurette égyptienne, c'est la fille de Pharaon, le roi des Arabes, une solide brique, qui mettra plus tard le peuple de Sion en esclavage, en Égypte, donc en Afrique. Par je ne sais quel événement rocambolesque, elle se retrouve servante de Abraham et de Sarah. Putain de Sarah. Sarah offre la chatte de Agar à son homme, Con. Abraham saute sur l'occasion inespérée de baiser sa bonne bonne. Oui, il ne refuse ce magnifique cadeau d'une réalité adultérine à peine masquée qu'un court délai. Avant de plonger dans un acte digne d'une soirée d'échangisme dans le club 41 de la rue Quincampoix dans Paris, vers Châtelet. Abraham baise Agar dans toutes les positions du Kama Sutra. Avant que 9 mois plus tard, Agar tombe enceinte et voit grossir ses mamelles. Plus tard, elle aura un fils. Il s'appellera Ismaël. Une fois enceinte, Agar prend la confiance. Elle devient méprisante envers Sarah, sans détour. Sarah, Hagar, Agar à son tour. C'était trop dur de se faire Hagar par Sarah, alors Hagar s'enfuit dans le désert avec son petit. Quelques jours après sa fuite, Dieu lui dit « Tu fais demi-tour, tu rentres obéir à Abraham et à Sarah, je te dis. » Agar rentre au bercail là où elle vivait, où elle taffe. Son entreprise, son toit et l'endroit où cette bite de patriarche a changé sa vie tel un chèque d'une chaîne du PAF. Quand Agar enfante Ismaël, Abraham a alors 86 ans, en mode King Sion. C'est en quelque sorte la naissance de l'échangisme et de l'adoption. Oui, c'est un fait incontestable. L'un des ascendants des Arabes est le résultat d'un acte échangiste délicat. Que ce soit un blasphème ou non, c'est le cas. Plus qu'une simple adoption de l'enfant de son conjoint, Sarah garde Agar sur son toit avec ce jeune enfant né d'un acte échangiste qu'est Ismaël. Ce ne sera pas pour déplaire à François Fillon, qui a insisté sur sa loi sur l'adoption pour que, par exemple, pour les couples homosexuels qui adoptent, l'enfant ait le droit de connaître ses géniteurs, ça va de soi. Un enfant né d'une union sexuelle entre l'homme et la femme. Les lesbiennes et les amelles peuvent s'énerver et réclamer leurs droits au cunnilingus pour les premières, à la fellation, la sodomie pour les seconds et au 69 pour les deux cas. Ça restera un fait. Il n'y a aucun moyen de procréer sans une union sexuelle homme-femme. Je dis ça, je dis rien. Sarah est touchée par la grâce, la bénédiction. Elle tombe enceinte et enfante Isaac. Ismaël et Isaac seront élevés ensemble. Mais plus tard, Sarah demandera à Abraham de chasser Agar et Ismaël, car elle se refuse qu'Ismaël hérite avec Isaac. Sarah fut quelque peu ingrate envers Agar, mais juste en même temps, parce que Agar voulait la Hagar, alors elle a Hagar Agar. Je sais pas ce qu'il en pense là-haut, mais moi je retiens juste la victoire de Sarah par KO. La différence avec cette histoire et celle de Schwarzenegger, c'est que Schwarzy n'a pas obtenu la permission de toucher à sa femme de ménage. Bien évidemment que sa femme Maria Shriver savait qu'avec la notoriété de Terminator, Total Recall, etc., que Schwarzy ne s'est jamais vraiment gêné de tremper son biscuit musclé. Mais en aucun cas, elle se serait attendue à ce qu'il baisse sa femme de ménage, Mildred Baena. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus humiliant et peinant. Que l'être aimé aimant vous trompe avec quelqu'un de supérieur ou que l'être aimé aimant vous trompe avec quelqu'un d'inférieur. Peu importe le, la rivale. Moi, je pense que les pulvérisations sentimentales dans les deux cas se valent. Oui, il a baisé Mildred Baena, la vérité si je mens. En levrette, sûrement. Et quand il en a eu marre de tirer avec son pistolet de sperme, fait de chair sur le dos de cette dernière, il a éjaculé dans son abricot qui du coup a stocké son sperme en rivière pour finalement faire un enfant dans le dos à sa femme, Maria Shriver. S'il avait demandé la permission à Maria de baiser la servante, Maria aurait assurément et sauvagement répondu « Quoi? T'es malade? Il est absolument hors de question que tu touches au cul de notre esclave soumise originaire du Guatemala !» Mais Terminator a sexuellement terminé à tort sa servante avant que cette satanique histoire de seuf donne elle aussi comme pour Abraham un fils. Il s'appellera et s'appelle Joseph. Je vous lis ce que cette femme de ménage guatémaltaise qui mérite un attentat suicide Boat People raconte sans une once de honte dans les magazines People. L'été dernier, j'ai amené Joseph dans leur maison. Jusqu'à ce jour, il n'avait pas trop traîné dans le coin. Après ça, les gens dans la maison ont commencé à parler à propos de la ressemblance entre lui et Arnold. Maria m'a demandé si j'avais quelque chose à lui dire et j'ai dit non. Finalement, elle a insisté plus directement. Maria m'a demandé franchement si Joseph était le fils d'Arnold et j'ai craqué. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Et j'ai dit que oui, c'était le cas et que j'étais désolé. Elle m'a dit de me relever et elle a pleuré avec moi. Waouh. J'ai dit que je pouvais faire mes cartons et partir de suite. Mais elle a dit de rester jusqu'à ce que les vacances soient terminées. C'est incroyable. J'ai dit que je pouvais faire mes cartons. Mais espèce de salope, la question ne se pose pas! Bon, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est la hauteur et la grandeur de la femme de Schwartzy qui a laissé cette salope de femme de ménage guatémaltaise rester encore quelques temps dans sa maison. Je pense que si Agar était à la place de la servante de Maria, d'une traite, Maria aurait égorgé Mildred. Peut-être que Maria l'a laissé encore travailler pour elle, pour lui montrer qu'elle lui était supérieure en tout point. Et peut-être que cette salope de Mildred est restée pour narguer encore plus Maria, pour qu'à chaque fois qu'elle se penche devant le lave-vaisselle pour y disposer les assiettes sales de cette femme supérieure vaincue, que Maria voie sa cambrure supérieure en mode « Oh, quel cul !» Je trouve l'échangisme sale, vil, immoral, satanique, peu importe l'âge. Je trouve l'adultère sale, vil, immoral, satanique, tentant, mais lâche. Qu'est-ce qui est pire? Benage qui baise la femme à Booba ou Booba qui baise la femme à Benage? C'était Abraham Schwarzenegger et leur femme de ménage.